À l'occasion de la journée de lutte contre les impérialistes américains 25 juin, les ouvriers et les syndiqués coréens se sont réunis le 22 devant la stèle à la submersion de Sherman, navire d'agression américain. Y ont figuré les cadres intéressés, les syndicalistes, les ouvriers et les syndiqués. Les orateurs ont dit que les impérialistes américains sont les ennemis jurés et que, bien que le temps a passé, les Coréens se raffermissent davantage dans la détermination d'exterminer la bande des barbares.